Bulletin numéro 3. La matinée a été généralement bonne sur la partie sud de la France. Les brumes et les brouillards se sont dissipés très tôt et ont laissé la place à un franc soleil. En Bretagne, il a plu sur tout le littoral. Dans le nord, il y a eu encore quelques gelées, mais le printemps est là, même si les nuits restent fraîches. Mais attention, souvenez-vous du dicton « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Le temps peut encore changer.